Chapitre 9e, l'abandonné. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Don José à Paris. L'hôtel de l'avenue Gabriel était depuis longtemps restauré, rajeuni, complètement transformé, sauf la chambre du marquis de Kerdal demeurait intacte selon son désir, et cependant José, dans ses lettres à Fernande, ne parlait pas de son retour. Le brave gentilhomme breton commençait à s'étonner de cette prolongation d'absence. La duchesse paraissait l'accepter avec résignation. Pendant ce temps, que faisait le bâtard? Plongé à corps perdu dans les plaisirs fiévreux que Paris offre aux privilégiés de la fortune, il menait, comme on dit, la vie à grande guide. Les déjeuners de garçons qu'il donnait à son hôtel étaient renommés. De 3 à 5 heures, on le voyait au bois dans son coupé, ou montait sur Pamela, sa jument favorite. Les jours où il n'avait pas son couvert mis chez Madame de Sanlouco, il dînait en compagnie de viveurs émérites au café anglais. Puis, il s'en allait passer la fin de la soirée, et le plus souvent, une partie de la nuit à son club, où il jouait à un jeu d'enfer, dont le résultat se traduisait quelquefois par une perte sèche de 25 ou 30 000 francs. Lorsqu'on est entré dans la voie des dissipations, elles se succèdent et s'enchaînent. « Voir les folies de notre cher duc, » dit un jour un de ses amis, un certain baron de Mauduit, qui était en train de croquer son 3e héritage, « on jurerait, n'est-ce pas, qu'il veut oublier ?»« Oublier quoi ?» répondit celui auquel cette question s'adressait. « Et parbleu, sa femme !» repartit le baron. Ceux qui parlaient ainsi disaient vrai sans s'en douter. Don José cherchait à s'étourdir le cœur par cette vie à outrance. Inutiles efforts, rien ne pouvait le distraire de la pensée de sa chère Fernande. Carmela lisait dans l'âme de sa victime, ainsi que dans un livre ouvert. Mais loin de se relâcher de son système de torture morale, elle se faisait une joie sauvage de les aggraver par de nouvelles exigences. Un soir, qu'ils avaient l'air de causer comme deux amoureux dans le salon de la créole où se pressait une foule élégante, elle lui demanda, le voyant tout distrait, à quoi il pensait. « À rien, » répondit-il. « À quoi bon mentir ? » reprit-elle. « Vous ne savez pas dissimuler. Vous pensez comme toujours à elle. » Le bâtard eut un éclair de haine dans les yeux. « Pourquoi retournez-vous à plaisir le poignard dans la plaie que vous m'avez faite ? » dit-il à voix basse. « Ne savez-vous pas que l'esclave, poussé par son désespoir, brise ses liens et cherche sa liberté dans la mort ? Vous aimez l'or, je vous en ai donné. Cela ne vous suffisait donc pas. Je voulais être duchesse. Mais parlons d'autre chose. Vous vous mourrez d'envie de revoir votre femme, n'est-ce pas ? Cette nuit, à 2 heures, je serai chez vous. Et je vous dirai à quelles conditions je vous permettrai ce voyage dans le pays du tendre. » Elle le quitta sur ces mots. Pedro Diaz, nous l'avons dit plus haut, s'était promis de surveiller Don José tout en se renfermant dans son rôle d'intendant. Certaines nuances qui lui avaient échappé dans la rapidité de sa première entrevue avec le bâtard ne tardèrent pas à éveiller ses soupçons. C'était peu de choses, il est vrai. Une légère inflexion dans la voix, une fugitive expression du regard, un geste, un tressaillement, enfin des indices insignifiants pour tout autre, mais qui avaient une signification pour lui, qui savait son jeune maître par cœur. D'un autre côté, l'abandon dans lequel le bâtard laissait la duchesse, ses relations avec Carmela, son luxe effréné, et surtout l'amertume qu'il cachait sous le voile de cette vie désordonnée, tout cela lui semblait inexplicable et l'avait redoublé de surveillance. On se souvient que l'hôtel du marquis de Kerdal avait bon nombre de passages mystérieux, d'escaliers dérobés, et Pedro, pendant les derniers travaux de restauration, avait surpris le secret de la porte dissimulée dans la boiserie et qui mettait les 2 hôtels en communication. Cette porte s'ouvrait sous le cabinet de travail du bâtard, au-dessus duquel se trouvait précisément la chambre qu'occupait le Texien. Ce fut pour lui un trait de lumière. Depuis que Don José s'était déchargé de son intendant de la direction des réparations, il ne s'était plus occupé de rien, et Pedro Diaz, ne se sentant pas observé, avait fait pratiquer une sorte de Judas dans la rosace du plafond de ce cabinet de travail. Au moyen de ce Judas, qui se trouvait complètement perdu dans les ornements de la rosace, Pedro pouvait donc, dans une circonstance donnée, tout voir et tout entendre sans courir aucun risque d'être aperçu. Cette circonstance qu'il épiait depuis longtemps allait enfin s'offrir à lui, grâce au rendez-vous que Carmela avait, pendant la soirée donnée au faux duc de Clodio. José, en quittant l'hôtel de Madame de Sanlouco, n'était pas rentré dans sa chambre à coucher. Il avait donc donné l'ordre, quoique la nuit fût avancée, d'allumer les flambeaux de son cabinet de travail, et il s'y était enfermé. Ceci parut suspect à Pedro Diaz, qui avait, selon son habitude, attendu le retour du bâtard, et quoiqu'il tombât de sommeil au lieu de se coucher, il se mit à l'affût derrière le Judas qu'il venait de lever avec précaution. Là, il attendit. Sa faction ne fut pas de longue durée. Au second coup de la pendule qui marquait 2 heures du matin, le bruit d'un ressort indiqua que la porte secrète allait s'ouvrir. À ce bruit, qu'il ne connaissait que trop bien, José quitta le fauteuil sur lequel il était assis et alla à la rencontre de son implacable visiteuse. « J'avais deviné, » pensa le Texien. « Comment il se dire ?» Il s'étendit sur le parquet et il prêta l'oreille. La créole n'avait plus aux lèvres ce sourire de commandement, sous lequel elle masquait devant le monde la dureté le plus souvent cruelle de ses rapports avec celui qu'on regardait comme son amant heureux. Ce fut elle qui entama l'entretien. « Où en étions-nous, très cher, de notre conversation de ce soir ?»« Vous m'annonciez, » répondit le bâtard, « que je pourrais me rendre auprès de la duchesse, moyennant certaines conditions que vous devriez me faire connaître. »« C'est cela même, » reprit Carmela. « Il y a vraiment plaisir à causer à bâton rompu avec vous, tant votre mémoire est excellente. Trêve de marivaudage !» interrompit Don José d'un air sombre. « Apprenez-moi quelles sont vos exigences, et je vous dirai si je puis les accepter. » « Phrase vide que tout cela, mon cher, et dont vous auriez dû depuis longtemps vous déshabituer. Vous savez bien que vous êtes mon esclave dans le sens le plus absolu de ce mot, et que je n'aurai qu'une parole à prononcer pour vous faire chasser honteusement du château de Cardal dans lequel vous êtes entré à la faveur d'un nom et d'un héritage volé. « À quoi bon répéter toujours ce refrain ?» répliqua brusquement Don José. « Il y a 2 heures, » continua la créole sur un ton de persiflage, « vous m'avez parlé pour la seconde fois de me tuer et de vous tuer pour briser la chaîne que je tiens dans ma main. Et comme nous étions entourés de monde et qu'on aurait pu m'entendre, je me suis tue. En ce moment, nous sommes seuls, et voici ma réponse à vos fanfaronnades. Les hommes de votre trempe ne se tuent pas. Ils sont trop lâches pour renoncer à la vie. Pour se tuer, il faut une volonté, et vous n'en avez pas. Vous êtes incapable d'en avoir. » Un tremblement convulsif agitait les lèvres du fauduc. Il ouvrit la bouche comme s'il voulait parler, puis il la referma presque aussitôt. « À présent que je vous ai dit une bonne fois et pour la dernière, je l'espère, le peu d'importance que j'attache à toute bonne menace de suicide, » poursuivit Carmela. « Arrivons au fait. Vous voudriez retourner auprès de votre femme, n'est-ce pas ?»« Dans peu de temps, Fernand sera mère et je comprends votre vif désir d'être près d'elle dans un pareil moment. » interrompit la créole, et je suis tout disposé à le favoriser. Demain donc, vous pourrez prendre le chemin de fer. Demain ? S'écria Don José avec joie. Oui, mais à une condition. Achevez. La chose la plus facile du monde à faire. Regardez ce papier, ajouta-t-elle, en tirant de son sein une feuille roulée qu'elle déplia. Qu'est-ce cela ? Fit le bâtard, en remarquant que la feuille de papier que Carmela lui présentait portait le timbre était couverte d'une écriture fine et serrée. C'est une procuration que vous ferez signer à la duchesse de Clodion, et par laquelle elle vous autorise à gérer, échanger et, au besoin, vendre les immeubles qu'elle a apportés à la communauté, répondit la créole. Vous voulez que j'aliène le patrimoine de ma femme, celui de l'enfant qui va naître? Plus tard, je vous apprendrai ce que vous aurez à faire, et peut-être alors bénirez-vous ma prévoyance. Expliquez-vous. Êtes-vous donc si aveugle que vous ne vous soyez pas aperçu que le million que j'ai bien voulu vous laisser a fondu entre vos mains comme neige au mois de mai? Vos déjeuners de garçon étaient charmants, vos chevaux magnifiques, l'ameublement d'autres hôtels du meilleur goût, mais tout cela a coûté cher, sans compter que vous avez perdu des sommes considérables au baccarat et au lansquenet, si bien qu'aujourd'hui il ne vous reste plus rien à dévorer que bon nombre de vos fournisseurs, qui n'ont pas encore été payés, commencent à vous montrer les dents. « Il vous sied bien de me jeter à la face mes prodigalités, » répliqua Don José avec colère. « Mais leur cause première, n'est-ce pas vous, n'est-ce pas pour tâcher d'oublier la misérable existence que vous m'avez faite, que je me suis jeté tête perdue dans ces dissipations folles ?»« À vous entendre, mon cher, je serai l'éditeur responsable de vos extravagances. »« Je ne vous reproche rien, j'explique ma ruine. Et c'est précisément pour la prévenir que je vous remets cet acte, que vous ferez signer à votre femme. » « Mais c'est une infamie que vous me proposez. et comme ce n'est pas la première, répliqua impudemment Carmela, vous m'obéirez. À cette condition seulement, je vous permettrai de partir. Mais si je me passais de votre permission, madame de San Luco, essayez, monsieur le duc de Clodion, essayez. Don José garda le silence. D'un côté, il se trouvait combattu par l'ardent désir de revoir Fernande, et de l'autre, par un reste de sentiment d'honneur qui lui défendait de souscrire à la condition qui lui était imposée. « Eh bien ? » lui demanda la créole. « eh bien, remettez-moi cet acte, » répondit-il. « À la bonne heure, je vous donne un mois. Dans un mois, je vous attendrai chez moi avec ce papier revêtu de la signature de la duchesse. » Carmela se leva, fit jouer le ressort dissimulé dans le panneau, et rentra dans son appartement. Le bâtard, la tête dans ses mains, semblait anéanti. Enfin, il se leva à son tour et passa lentement et silencieusement dans sa chambre à coucher. Pedro Diaz, du haut de son observatoire, n'avait pas perdu un mot de cet entretien. Tous ses doutes étaient éclaircis. Les deux misérables avaient avoué leur crime. C'était bien le bâtard qui était devenu le mari de Fernande de Croix-Marie en se substituant à Jean de Clodion, qui avait été assassiné ou emmené prisonnier dans le désert par un chef de tribu indienne. Et non content de cela, à cette heure, il voulait s'emparer de la fortune de la duchesse. « Non, non, pensa Pedro, je suis là, et je jure Dieu que leur infernal projet ne s'accomplira pas. » Il referma le Judas et regagna son lit, tout en réfléchissant aux moyens qu'il pourrait bien mettre en œuvre pour empêcher l'odieuse spoliation dont se trouvait menacée la duchesse de Clodion.